Cet ancien chef d'entreprise néerlandais est devenu une star du Bitcoin. Il a fait fortune grâce à cette monnaie numérique, sur laquelle il a parié très tôt. Ses investissements ont été multipliés par 50 en 4 ans. Il est aujourd'hui multimillionnaire. Voyage à travers le monde avec sa femme et leurs 3 filles.